prison et l'ennui ou l'enfer de tes nuits. Fini, oh ce sourire qui illumine ma vie, oh ma vie, je ne sais plus. Jamais toujours l'envie de ces années folies. Pense à toi, fais ce que tu voudras. Envole-toi, le vent te mènera. Mais moi j'ai mal comme un fou dans mes entrailles. Oui, j'ai mal. Faut que je m'en aille. Je ne sais plus. J'en suis, je ne sais plus qui je suis. Fini, je garderai à jamais toujours l'envie de ces années folies. Pense à toi, fais ce que tu voudras. Envole-toi. Le vent te mènera, mais moi j'ai mal comme un fou dans mes entrailles. Oui, j'ai mal, faut que je m'en aille. Toi, fais ce que tu voudras. Envole-toi. Moi j'ai mal comme un fou dans mes entrailles. Oui, j'ai mal.